mes yeux, ton corps m'attire. Chaque mot grave un doux délire. Râles qui murmurent dans mes veines. Savoir qu'enflamme mes chaînes. Nos deux voix glissent dans le noir. Chaque désir éclaire l'espoir. Red is key.